Italiho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Les organisations non gouvernementales étrangères officiellement enregistrées au Burundi sont en nombre de 84, annonce faite par l'assistant du ministre de l'Intérieur au terme de l'échéance qui leur avait été accordée à partir du début octobre 2018. Deux personnes, toutes d'une même famille, ont été tuées par des inconnus dans la nuit de mardi à mercredi en commune Rusaka de la province Mwaro. L'administrateur communal dit que l'on a déjà commencé les enquêtes. En page santé, on parlera de l'épidémie de choléra dans la province de Rumonge au sud du pays. Une personne est déjà morte, 111 cas au total, deux personnes atteintes sont déjà signalées. Et dans la chronique éducation, Marie-Claire Kazeneza nous parlera de la bonne méthode qu'il faut pour apprendre une langue à un enfant sur le banc de l'école. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Une octogénaire, Cécile Gatete et Audrey Boukeneza, une fille de la deuxième année post-fondamentale de la même famille, ont été tuées cette nuit sur la colline de Namandé, en commune Rusaka de la province de Mwaro. L'administrateur de cette commune, Bernardine Nduwimana, indique que les auteurs n'ont pas été identifiés, mais que des enquêtes sont déjà en cours. 84 organisations internationales se sont fait enregistrer de nouveau au sein du ministère de l'Intérieur jusqu'au 31 décembre 2018, la date butoir qui leur avait été accordée. Cela est dit par l'assistant du ministre de l'Intérieur qui indique qu'il n'y a pas eu d'organisations qui ont demandé une dérogation spéciale. Tarsis Niongabo précise toutefois que ces ONG étrangères doivent se conformer à la législation burundaise en la matière. Suivez-le. Le président de la République a donné une réponse à cette question vendredi passé le 28 à une émission publique qu'il a tenue à Ngozi. Ce qui est nouveau aujourd'hui, que je signalerai, nous sommes à la date butoir. Nous avons déjà 84 ONG réenregistrées. Et ces ONG sont vraiment en quantité suffisante pour notre nation. Et je vous signalerai qu'il n'y a aucune ONG qui a demandé une délégation spéciale pour la prolongation de la période qui a été donnée pour l'une ou l'autre raison. Certaines organisations ont demandé un dialogue avec le ministère de l'Intérieur. Quelle est la situation réelle? Certaines ONG avaient demandé justement des audiences auprès du ministre, mais ces audiences étaient des audiences, je dirais, qui n'étaient pas les bienvenues. Pourquoi? Parce que ces ONG voulaient négocier sur la loi qui existe déjà, qui existe les ONG. Et cette loi émane de notre constitution. Et nous ne pouvons rien changer de cette loi qui existe. C'est plutôt l'ONG qui devrait se conformer à cette loi qui les régit aujourd'hui. Et l'ONG qui n'est pas capable ou prête à s'y conformer, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de place sur le sol burundais. L'autorité de l'aviation civile dit n'avoir pas été informée d'une fosse commune située dans les enceintes de l'aéroport international de Bujumbura. C'est après que les rescapés des massacres de Lukaramu en 1998 se soient plaints qu'ils n'ont pas accès à cette fosse commune du fait que c'est clôturé. Emmanuel Habonimana, directeur général de cette autorité, appelle ces rescapés de l'approcher ainsi que la commission Vérité et Réconciliation. Suivez-le au téléphone avec Charles Makote. D'abord, je dois porter à votre connaissance et à la connaissance de tout le monde qui m'entend que depuis que je suis premier responsable de cette institution, autorité de l'aviation civile du Burundi, je ne suis pas au courant du dossier. Que ça soit une remise officielle d'un document pour demander cela, que ça soit lors de la remise et reprise quand j'ai été nommé premier responsable ici, ce dossier, c'est vous qui me l'informez en premier lieu. Alors, moi, je conseillerais ce qui suit. Premièrement, qu'une délégation des intéressés m'informe du dossier. Deuxièmement, qu'ils saisissent officiellement la CVR, qui est une commission nationale qui en est chargée. Et puis après, la CVR pourra intercéder en leur faveur auprès de l'autorité de l'aviation civile du Burundi. Et nous allons voir d'une façon tripartite, la CVR, la ACB et les familles des victimes pourront voir ensemble, en nous référant aux standards, aux normes, à la réglementation de la CVR et surtout à la réglementation de la gestion des domaines aéroportuaires. Mais ensemble, je crois que nous pouvons arriver à un résultat qui apaise tout le monde. Page santé à présent pour vous dire que le cadre d'expression pour les malades dit ne pas être surpris par la saisie de jus fabriqué en dehors des normes. C'est après que la police ait découvert la semaine dernière l'endroit où sont produits ces jus dans différentes matières, dont probablement des viandes pourries. Sylvain Habanaba, qui est porte-parole du CEMABU, demande la synergie des ministères du commerce, celui de la santé publique ainsi que celui de la sécurité publique afin de combattre la fabrication de ces jus. Suivez-le, il s'entretient avec Elini Bell Nibigira. Au niveau du CEMABU, nous avons toujours relevé des inquiétudes au niveau des jus fabriqués dans notre pays parce qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'inconvénients qui peuvent être nés au niveau du consommateur. Nous n'avons pas été surpris, mais nous avons accueilli avec amertume et désolation cette information. Qu'est-ce que vous demandez aux instances habilitées? Notre organisation CEMABU demande de travailler en synergie. Il faut que certains ministères habilités puissent être ensemble, juste entre le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité publique et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Il faut que ces ministères travaillent en synergie pour défavoriser ce comportement qui risque d'endommager la santé de la population burundaise. Si on essaie de voir l'autorisation de la fabrication et la commercialisation des jus, c'est tout un arsenal, c'est une structure bien faite. Mais le problème est que le BBN ne fait pas des enquêtes d'une façon inopinée. Le CEMABU conseille à cet organe chargé de donner l'autorisation de ne pas rester dans le bureau, mais de se rendre souvent sur le terrain. Comme ça, je pense que pas mal de cas seront attrapés. Le cas que vous avez vu très récemment à Charama, notre organisation est convaincue qu'il y a d'autres cas. C'est pour cette raison que nous demandons le BBN de travailler en synergie avec la police pour décourager de tels comportements. Mais le BBN a essayé à très maintes reprises d'être sur terrain. Est-ce qu'on peut parler d'un échec? C'est pas un échec comme tel, mais c'est quelque chose qui nécessite quand même d'autres forces pour qu'il y ait quand même des sanctions pour des personnes attrapées en train de fabriquer ces jus sans toutefois songer à la santé du consommateur. Des informations en provenance de la police nationale indiquent que la matière contenue dans des marmites qui ont été saisies sur place, qui ressemblait à une viande pourrie, était plutôt un champignon utilisé dans la fabrication de ces jus. Le médecin-chef de district sanitaire de Lumonge annonce un mort suite à l'épidémie de choléra parmi les 111 cas de choléra accueillis au centre d'isolement à l'hôpital public de Lumonge depuis que l'épidémie de choléra est déclarée dans le district sanitaire de Lumonge la semaine dernière. Dans une réunion de la plateforme provinciale de gestion des catastrophes ce mercredi matin, ce responsable sanitaire a fait savoir qu'il ne restait à l'hôpital que 22 cas à 8 heures et que les autres sont rentrés guéris. L'avenir. 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. La direction d'électricité au sein de la régie des eaux fait savoir que le fait qu'il y a des pylônes et transformateurs qui sont au sol à Rugari en province de Muyinga, il y a un certain temps, n'est pas un problème. Elle explique que la situation pareille est présente dans d'autres provinces, mais que c'est un projet en cours de réalisation qui se fait à tour de rôle. Elle ajoute que le tour de Muyinga viendra. C'est après que certains habitants de Rugari en province de Muyinga se soient plaints des pylônes et transformateurs qui sont au sol il y a plus d'une année. En page éducation, les parents d'élèves de l'école fondamentale de Gitanga en commune et province de Bubanza s'inquiètent. Ils se demandent comment leurs enfants vont reprendre les cours au deuxième trimestre qui commence ce jeudi. Trois salles de classe ont été complètement détruites lors des pluies mélangées à de vents violents qui se sont abattus sur la localité ce lundi. Le directeur communal de l'enseignement à Bubanza reconnaît les faits et précise qu'il est en train de voir comment résoudre ce problème. Spes Caritas Kabanyan. Suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la province de Bubanza, surtout en zone Mulamba ce lundi, trois salles de classe de l'école fondamentale de Gitanga ont été complètement endommagées. Toutes les tôles ont été emportées par le vent selon les témoins sur place à Gitanga. La même source précise que ces tôles ne peuvent même pas être encore une fois utilisées car elles ont été déchirées et très endommagées. Les parents des élèves de cette école se demandent comment leurs enfants vont reprendre les cours du deuxième trimestre ce jeudi. pays sans locaux et demande aux autorités de trouver solution à ce problème. Le directeur communal de l'enseignement à Bubanza explique qu'il s'agit d'un problème qu'on rencontre aussi sur d'autres écoles, comme à l'école fondamentale d'Ongara, où deux salles de classe ont été détruites par le vent le mois passé. Même chose à l'école fondamentale d'Okarinji, dans la même commune. Vincent Kayovera, directeur communal de l'enseignement à Bubanza, précise qu'ils sont en train de chercher une solution intermédiaire, comme ils l'ont fait à Ngala et à Kalinzi. Ces élèves dont les locaux ont été endommagés vont suivre les cours dans une église proche de cette école ou encore ils vont s'alterner avec les autres élèves en attendant la reconstruction de ces salles de classe détruites. Space Caritas Kawanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Space Caritas. Les caféiculteurs de Kivuwa en commune Lutovu se lamentent qu'ils n'ont pas encore été payés pour leur café vendu l'année dernière. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits afin de subvenir à leurs besoins. La direction générale de l'ARFIC dit qu'elle suit de près cette question. Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de certains caféiculteurs qui ont vendu leur café cerise à l'usine de Kivuwa en commune Lutovu attendent en vain d'être payés depuis qu'ils ont vendu leur production depuis avril 2018. Ils disent qu'ils sont sans aucune information si leur café a été détourné ou s'ils seront un jour payés, arguant que les mandataires du responsable de cette usine se gardent de tout commentaire sur cette question. Ces mandataires renvoient la balle à Gérard Nitereka, leur patron, estimant qu'il est le seul à fournir toutes les précisions à ce sujet. Sur ces deux téléphones portables, Gérard Nitereka ne décroche pas depuis ce mardi. À ce sujet, Emmanuel Niongeko, directeur général de l'agence de régulation de la filière café au Burundi, dit qu'il en est au courant et indique suivre de près cette question. Jean-Pierre Misago depuis Burundi, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. La chronique éducation d'aujourd'hui nous parle de la bonne méthode d'apprendre une langue à un enfant à l'école. Et tout cela dépend de son âge, comme l'explique le professeur en langue et littérature à l'université, Willy Ngendakumana. Il ajoute que enseigner l'enfant plusieurs langues en même temps est l'un des facteurs qui sème une confusion des langues. La chronique éducation d'aujourd'hui avec Marie-Claire Cazenez. Les étapes d'apprentissage d'une langue à un enfant varient selon l'âge, comme l'explique Willy Ngendakumana, professeur en langues et littérature à l'université. Selon lui, la connaissance grammaticale pour un enfant commence à bien s'installer au cours de la troisième année. En réalité, soit pour une langue maternelle, soit pour une langue étrangère, le français comme le Kirundi, il y a des étapes d'apprentissage d'une langue, d'acquisition d'une langue. Et au cours de la troisième année, la connaissance grammaticale commence à s'installer. Il y a l'apparition des catégories grammaticales de la langue maternelle et quelques structures. Et vers l'âge de 4 ans, c'est là où le langage de l'enfant commence à s'apparenter à celui de l'adulte. Il faut alors attendre que l'enfant atteigne l'âge de 4 ans pour lui apprendre une langue étrangère. Selon le professeur Willy Ngendakumana, c'est à cet âge que les organes phonatoires de l'enfant ont une certaine maturité pour bien prononcer les mots. Pour apprendre une langue, il faudrait attendre 4 ans. Parce qu'à 4 ans, on considère que les organes phonatoires, les organes de la parole, ont déjà une certaine maturité qui permet à l'enfant de bien prononcer les mots, les organes articulatoires. Il y a aussi les organes du cerveau, parce que c'est généralement le cerveau qui commande, c'est la parole. Donc il faut attendre que ces organes aient une certaine maturité pour commencer à prendre une langue sur le plan de l'écrit. Alors, sur le plan de l'oral, c'est progressif. Enseigner en même temps plusieurs langues à un enfant est l'un des facteurs qui entrave l'apprentissage d'une langue et cela crée des brouillards dans la tête de l'apprenant. Les facteurs qui peuvent entraver l'apprentissage d'une langue sont multiples. Il y a d'abord des facteurs physiologiques. Un enfant qui a un problème au niveau de l'oreille, par exemple, ne pourra pas parler. Un autre facteur, justement, qui